Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal de ce 21 décembre 2016, la dernière édition. Et en voici tout de suite les grandes articulations. Le projet de loi budgétaire 2017 prévoit d'élargir l'assiette fiscale sur la téléphonie mobile, le loyer, la consommation du carburant, le sucre, avec pour objectif encaisser 37 milliards de francs burundais supplémentaires sur les ressources intérieures. Ce budget a été préparé dans un contexte de gel des appuis extérieurs, comme l'a reconnu le président de la Cour des comptes à l'Assemblée nationale ce mercredi. Les députés ont même manifesté leurs inquiétudes sur la remise en cause de la politique de Charroi zéro. En clair, l'État veut encore acheter des véhicules pour le fonctionnement des institutions publiques. On fait le point dans ce journal. Et l'Office burundais des recettes envisage de faire payer imposer taxes sur les revenus de l'association des taxis vélos, puisqu'elle fait des rentrées, notamment sur les plaques et les gilets, même si elle s'est fait enregistrer comme une association sans but lucratif. Et le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'UCOM, demande au gouvernement de se saisir de cette question, les sommes en jeu étant de l'ordre de 600 millions de francs burundais. La sécurité et la sauvegarde de l'environnement sont les principales raisons ayant motivé l'expulsion des habitants de Kagaragara. Là, nous sommes sur la lisière de la réserve naturelle de Rukoko. C'est l'explication donnée par le gouverneur de la province de Bubanza, qui reconnaît que ces personnes vivent dans des conditions nécessitant une aide d'urgence. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je viens de vous le dire, le gouverneur de la province de Bubanza explique que les populations dernièrement expulsées de Kagaragara sur la lisière de la réserve naturelle de Rukoko l'ont été par mesure de sécurité et de sauvegarde de l'environnement. C'est au cours d'une réunion de sécurité ce mardi à Buringa qu'il l'a dit, reconnaissant aussi que ces personnes qui se comptent à près de 500 ménages vivent dans de mauvaises conditions nécessitant une assistance d'urgence. Reportage signé Space Caritas Cavagnana. Au cours d'une réunion de sécurité tenue ce mardi à Buringa, dans la commune de Gihanga, le gouverneur de la province de Bubanza a précisé que les habitants de Kagaragara, dans la réserve naturelle de la Rukoko, ont été chassés de ce village pour deux raisons. Celle liée à la sécurité, mais aussi celle liée à la sauvegarde de la réserve elle-même. Les habitants de la sous-colline Buringa a été repoussé de Kagaragara parce que c'était parti est entouré par la réserve naturelle de la Rukoko. Et cette population a été refoulée pour des raisons de sécurité, mais aussi des raisons environnementales. Et les raisons de sécurité, parce que nous avons trouvé que les malfaiteurs, quand ils veulent commettre des forfaits, ils utilisent ces réserves naturelles de la Rukoko et on ne saurait pas distinguer un malfaiteur de celui qui ne l'est pas, parce qu'ils se cachent. Il s'entremêle à la population. Tarsis Niyongabo, gouverneur de Bubanza, a également indiqué que ces populations, qui se comptent autour de 2000 personnes sans abri aujourd'hui, devraient respecter la mesure prise et appeler les bienfaiteurs à leur venir en aide. Ce que nous demandons à la population aujourd'hui, c'est d'abord d'être sage et de respecter les mesures prises pour des raisons sécuritaires. Parce que la sécurité est pour nous tous, la sécurité est pour tout le monde. Autre chose que nous demandons, spécialement aux ONG, spécialement à la Croix-Rouge, c'est de venir en aide à cette population parce que nous trouvons et nous acceptons qu'elle est dans une situation désastreuse, angoissante. Merci Space. C'est ce jeudi, demain donc, qu'une commission ad hoc va être mise en place pour étudier la question de ces habitants délocalisés de Kagaragara près du parc de Rukoko dans l'aube de dimanche dans la province de Bubanza. Elle sera composée des représentants de la province, ceux de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature et INSEN, qui revendique cet espace, des victimes de Kagaragara et de l'institution de l'Ombudsman. C'est le médiateur burundais Edouard Nduwimana qui a fait cette annonce après cet après-midi. Ce mercredi, donc, lors de la visite qu'il a effectuée à l'endroit où sont regroupés ces ménages, qui s'élèvent à plus de 500 familles au chef-lieu de la zone Buringa. Edouard Nduwimana a également demandé au gouverneur de la province Bubanza de mettre en place des stratégies pour que ses habitants aillent récolter ce qu'ils ont semé avant que la question ne trouve une solution. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.

population qui utilisait les biens exonérés à des projets autres que ceux qui étaient présentés à la demande des exonérations. Ces cas-là, nous avons effectivement suivi, nous avons fait un travail d'évaluation, et nous avons sorti un rapport. Nous sommes en train de travailler jusqu'à maintenant. Mais ce que nous avons décidé maintenant, c'est de faire un suivi de près, plutôt que d'attendre quand un projet se termine, voire quand un projet s'arrête. Nous avons décidé donc de faire un suivi au jour, peut-être des descentes mensuelles, pour voir effectivement l'état d'avancement des projets pour lesquels les exonérations ont été accordées. Et c'est comme ça que dès que nous constatons un dérapage, nous pouvons corriger à temps et ainsi limiter les casses. Léonard Senore, c'est le commissaire général de l'Office burundais des recettes, OBR. Et on parle toujours des finances publiques avec le projet de loi portant budget général de l'État, exercice 2007, qui prévoit de nouvelles mesures dans le but d'accroître les ressources intérieures. Avec ces mesures, l'État pourra encaisser plus de 37 milliards de francs burundais. Ces ressources proviendront essentiellement de la taxe spécifique de téléphonie mobile, de l'impôt locatif, de la taxe de consommation sur le carburant et de la taxe spécifique sur le sucre et bien d'autres. Kanyange revient sur ces nouvelles mesures. Ce projet de loi portant budget général de l'État exercice 2017 prévoit une série de nouvelles mesures. Une taxe anti-pollution sur les véhicules usagés de plus de 10 ans est prévue à hauteur de 200 millions de francs burundais. Une surtaxe de 50% de la valeur en douane sur les sachets plastiques importés est également consignée dans le tableau de ces nouvelles mesures pour une somme de 100 millions de francs burundais dans le but de protéger l'environnement. Un montant de 150 millions de francs burundais proviendra de la surtaxe de 30% sur le lait liquide importé et le prélèvement forfaitaire libératoire pour les agences en douane donnera 400 millions de francs burundais. Est également consigné dans ce tableau le rapatriement de l'impôt locatif dans la fiscalité de l'État à hauteur de 1 milliard de francs burundais dans le souci d'améliorer la transparence dans la perception de cet impôt locatif. Une autre taxe, c'est celle spécifique aux téléphonies mobiles sur le trafic national qui passera de 42 francs par minute à 52 francs bourg la minute et les recettes irrelatives sont estimées à 16 milliards de francs burundais. La taxe sur consommation carburant fera entrer dans les caisses de l'État 13 milliards de francs burundais, une taxe qui sera prélevée au moment de la mise en consommation à raison de 100 francs burundais par litre. Ce projet de loi portant budget général de l'État exercice 2017 prévoit en outre une augmentation de la taxe spécifique sur le sucre de 200 francs bourg pour un montant de plus de 4 milliards de francs burundais. L'augmentation, c'est également celle des taxes de consommation sur les bières et fera entrer 1 milliard de francs burundais. La suppression des exclusions est également prévue dans le secteur des assurances avec diminution du taux qui passe de 2% à 1,5% et feront entrer dans les caisses de l'État une somme de 343 millions de francs burundais. Ce projet de loi prévoit également la réintroduction de la taxe à l'exportation des peaux brutes pour un montant de 140 millions de francs burundais. Ce budget de l'État exercice 2017 sera financé à hauteur de 70,7% sur les ressources intérieures et 29,3% sur les ressources provenant de l'extérieur. Merci Mireille pour ce compte rendu de lecture de ce projet de loi des finances exercice 2017 qui a été préparé dans un contexte économique de gel des appuis extérieurs. Et cela est contenu dans les commentaires sur le projet présenté ce mercredi par le président de la Cour des comptes devant l'Assemblée nationale. Les députés ont manifesté des inquiétudes par rapport à la politique de Charroi Zéro qui sera remise en cause et au rapatriement de l'impôt locatif des communes et des mairies au profit des fiscalités, de la fiscalité de l'État. Mireille, vous le disiez, Alain Désiré Wokeyeneza pour les détails. Certains députés, comme Claver Choyitungiye, manifestent leurs inquiétudes par rapport à la politique de Charroi Zéro qui sera remise en cause en réintroduisant le Charroi pour une somme de 2 milliards. On revient sur la politique de Charroi Zéro. Cette politique est un échec, mais il n'y a pas de rapport pour qu'on puisse comprendre là où il y a des failles, pour que peut-être l'État sache comment corriger. Élisée Ndaye, le président de la Cour des comptes, dit que la conception de la Cour va dans le même sens. connaissance que celle des députés. C'est comme ça que la Cour des comptes, elle aussi, le conçoit. Si le temps le permettait, nous devrions faire une analyse approfondie pour établir les profits et les pertes avant la remise en cause de la politique de Charroi Zéro par le gouvernement. Le député Noé Mbonigaba s'inquiète du rapatriement de l'impôt locatif des communes et des mairies au profit du trésor public. Au moment où nous savons que l'impôt locatif des communes est prévu par la loi sur les fiscalités communales, je ne vois pas comment cette loi budgétaire peut modifier un domaine qui s'inscrit dans le cadre d'une autre loi pour que les recettes qui devraient revenir aux communes reviennent désormais au trésor public. D'autres disent qu'il est incompréhensible que le montant alloué au Fonds commun de l'éducation, des infrastructures et de l'électricité soit diminué. Pour Jacqueline et Madame Izigiye, la diminution sur le Fonds commun de l'éducation devrait être affectée à l'enseignement des métiers. Le compte du Fonds commun de l'éducation a diminué. On a retiré 8 milliards et ça a resté 4 milliards. Avoir les élèves de 9e et 10e qui n'ont pas réussi, moi je me demande si ces écoles d'enseignement de métier sont suffisamment équipées. Cette somme qu'on a diminuée, si c'est possible, on pourrait voir comment équiper ces écoles d'enseignement de métier. Au moment où les députés s'inquiète du recours aux avances de la BRB, le président de la Cour des comptes dit que la loi ne le permet pas, mais que le gouvernement a le pouvoir discrétionnaire. À partir de 2016, il est interdit à l'État de recourir aux avances de la Banque centrale. Il revient au gouvernement de faire un choix. Faut-il continuer à recourir aux avances de la BRB? Dans ce cas, il devra modifier la loi. Faut-il ne pas recourir aux avances de la BRB? Dans ce cas, il devra maintenir la loi. Donc c'est un dilemme qui lui revient de trancher. Le nouveau projet de loi de finances exercice 2017 s'élève à plus de 1326 milliards. L'Assemblée nationale statuera sur ce projet ce jeudi. Merci Alain Désiré Boukayenez. La suite de ce journal après cette pause et nous parlons sécurité. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La sécurité est bonne dans la ville de Bujumbura et même dans tout le pays, malgré l'existence de certains groupes qui commettent des attentats et d'autres crimes. C'est ce qu'a déclaré le premier vice-président de la République ce mercredi lors d'une réunion de sécurité au cours de laquelle il a exhorté les forces de sécurité publique et de défense nationale ainsi que la population à être vigilante durant ces jours de fin d'année. Il a aussi demandé que soit démantelé le réseau des individus qui arrêtent des gens au nom de la police et du service national de renseignement. Suivez Gaston Sindimo, le premier vice-président de la République. Il est traduit par Didier Nionzima. Je voudrais aussi qu'on parle de ceci. Ces jours-ci, on entend des informations disant qu'il y a des personnes qui sont arrêtées par des individus qui font ce qu'on appelle du dog service. Ces individus se pointent sur des barrières, sur les entrées des villes, disant qu'ils sont de la documentation, alors que ce n'est pas vrai. Et ces personnes arrêtées sont rançonnées par ces individus. Nous demandons les forces de sécurité de mettre fin à cette situation. À côté du dog service, il y a aussi ce qu'on appelle anticorruption. Il y a des individus qui se font passer pour des policiers et qui veulent faire le travail de la police plus que la police. Et cela doit être combattu. Vous connaissez la police. Personne d'autre n'a le droit d'arrêter qui que ce soit, de le faire sortir de son véhicule, à part la police. Il faut bien s'entendre sur cela. Autre chose que je voudrais communiquer, c'est que ces jours-ci, il y a beaucoup de rumeurs. Il faut faire attention pour ne pas se faire emballer. Il arrive qu'un individu porte des fausses accusations sur quelqu'un. Je peux vous donner un exemple. Sur la place de l'ancien marché central de Bujumbura, il peut arriver qu'un groupe de gens soit en train de discuter et quelqu'un arrive et leur intime en ordre de s'arrêter sous prétexte qu'ils sont en train d'inciter Mukapa. Et ce groupe de personnes peuvent être amenés à des faux policiers qui leur exigent de payer une somme d'argent pour leur libération. Et ces faux policiers sont juste des gens qui veulent ternir l'image de la police, car ces jours-ci, il y a beaucoup de gens qui utilisent beaucoup de ruse pour discréditer la police. C'est pour cela que la police doit être vigilante.